penser si un jour t'arrives à me dépasser. J'arrête de rapper, les condés veulent nous embrouiller. À la télé, c'est nous qui avons le visage brouillé. J'ai un message à faire passer, tous les pétés qui veulent nous boycotter, qui veulent nous classer. Niquer vos mères, c'est très BMR. On rap pour le terre-terre, les mecs de Nanterre. Tu sais comment ça se passe, c'est la galère, c'est la merde. C'est pour ma sacalage, pour la racaille. Ici on va en détail, on bataille pour graille. On a trop la taille, pour les rappeurs commerciaux. On n'est pas des esclaves, on cule la taille. Clic clic bam, on est tous des crevards, des zonards. On sort le plus tôt pour rentrer le plus tard. C'est pour les mecs de plus tôt, les mecs au placard. Un son violent, c'est affolant. C'est pas monsieur l'argent qui va nous apprendre à faire de l'argent. Si tu me comprends, lève ta main et nique le gouvernement. Un son violent, c'est pour Nanterre. Tu sais bien qu'on va niquer ton PER. Sinon on n'aime pas le ministère. T'inquiète, tu auras jamais de paix sans guerre. C'est clair, c'est comme les chemises sur Toto. Que t'en passes pour mort, 92 hardcore. Je suis pas un fou, mais tu vas t'y retrouver dans le coup. Moi aussi je baisse les tasses en capote. Ça canonique mon pote, salope, t'as voulu me mettre une carotte. Tu vas manger dans mon vocabulaire, y'a trop de vulgarité. J'ai grandi auprès de ceux qui veulent absolument de la maille et d'autres baisers. J'essaie de montrer le bon exemple pour les petits refrains. Si tu veux me braquer, t'as qu'à venir chez moi à péter. Fais gaffe à ton cul, on va dépourailler. Un son violent, c'est affolant. C'est pas monsieur l'argent qui va nous apprendre à faire de l'argent. Si tu comprends, lève ta main et nique le gouvernement. Un son violent, tous les condés, on vient les violer. Holez 92 représente les mecs du 80, c'est tout. Boum boum, c'est pour boubou, mais pas pour bouba. C'est la grâce, on connaît bon. Les carbas sont baisés à côté des puissons. Écoute, mes conseils fiston. Alors ça part en baston. Un coup de crosse te pète la carte de foot. Te balade comme Basile, ici c'est l'asile. Y'a que des malades, ils m'envoient la salade. Trop d'inspiration, en tout cas. Qui est sûr, c'est Knick, François Fillon. Y'a le feu, appelle les piétons. Avec ta moto, n'écrase pas les piétons. Je pétille sa tête, ne sois pas jaloux, frère. Car si tu veux, je te donne des fléchettes ainsi que mon poster. Trop de salopes se font, expulser le postérieur. Le ministère de l'Intérieur. Un son violent, c'est affolant. C'est pas monsieur l'argent qui va nous apprendre à faire de l'argent. Si tu me comprends, laisse ta main et nique le gouvernement. Un son violent, c'est affolant. C'est pas monsieur l'argent va nous apprendre à faire de l'argent. Tu comprends, lève ta main et nique le gouvernement. Un son violent, c'est affolant. Ouais.